ça que je t'ai aimé. Oui, c'est comme ça que l'on s'est aimé. Et le champagne coulait à flot. Tu en as bu? Chanteur italien, et moi je t'ai seul dans mon coin. Des draps froissés, des fleurs fanées. Que l'on s'est aimé, oui c'est comme ça.